Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction du latin en français d'un moine de Fontgombault, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Septième partie, commentaire de l'article sixième. Je crois en Jésus-Christ, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous l'avons vu, il faut croire à la résurrection du Christ. Nous devons croire ensuite en son ascension, par laquelle il est monté aux cieux le 40e jour. C'est pourquoi nous disons dans le Credo, il est monté aux cieux. Dans l'ascension de Jésus, il y a lieu d'observer trois aspects: sa sublimité, son caractère raisonnable et son utilité. L'ascension de Jésus fut vraiment sublime, car il est monté aux cieux. Ceci peut être exposé de trois manières. D'abord, il est monté au-dessus de tous les cieux matériels. L'apôtre dit en effet aux Éphésiens, il est monté par-delà tous les cieux. Le Christ le premier réalisa une telle ascension. Auparavant, en effet, il n'y avait de corps terrestre que sur la terre, si bien que même le paradis où vécut Adam était situé sur la terre. En second lieu, le Christ est monté au-dessus de tous les cieux spirituels, c'est-à-dire au-dessus de toutes les natures spirituelles. Comme saint Paul l'écrit aux Éphésiens, le Père a fait siéger Jésus dans les cieux, à sa droite, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, domination, et au-dessus de tout nom, quel qu'il soit, non seulement en ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. En troisième lieu, le Christ est monté jusqu'au trône de Dieu le Père. Le prophète Daniel dit de lui, voici que sur les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Et il parvint jusqu'à l'Ancien des jours. Et nous lisons dans saint Marc, or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Quand nous parlons de la droite de Dieu, cette expression ne doit pas s'entendre d'une manière corporelle, mais dans un sens métaphorique. En effet, si en disant de Jésus il est assis à la droite de Dieu, nous pensons à sa divinité, cela signifie Jésus est égal en tout à son Père. Mais si nous pensons à sa nature humaine, cela veut dire alors le Christ jouit des dons les plus excellents. Et c'est une telle excellence que le diable a ambitionnée. Je monterai dans les cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Alliance au septentrion, je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut, dit-il en Isaïe. Mais le Christ seul est parvenu à cette éminence. C'est pourquoi nous disons dans le Credo, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et nous lisons dans le psaume 109, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Deuxièmement, l'ascension du Christ fut conforme à la raison, parce qu'il s'éleva jusqu'aux cieux. Et cela pour trois motifs. D'abord, en ce que le ciel lui était dû à cause de sa nature. Car il est conforme à la nature que chaque être retourne là d'où il tire son origine. Or le Christ tire son origine de Dieu, qui est au-dessus de tout. Jésus en effet dit à ses apôtres, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Et le même Jésus a déclaré à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et bien que les saints montent au ciel, cependant ils n'y montent pas de la même manière que le Christ. Le Christ en effet s'est élevé aux cieux par sa propre puissance, mais les saints s'y élèvent comme entraînés par le Christ. Aussi nous lui disons avec l'épouse du cantique, Seigneur, entraînez-nous à votre suite. On peut dire également que personne ne monte au ciel si ce n'est le Christ. Le Christ, en effet, est la tête de l'Église, et les saints ne montent au ciel que parce qu'ils en sont ses membres. Où que soit le cadavre, disait Jésus à ses apôtres, là s'assembleront les aigles. Ensuite, l'ascension est raisonnable en ce que le ciel était dû au Christ en raison de sa victoire. Le Christ en effet fut envoyé dans le monde pour lutter contre le diable, et il sortit victorieux du combat. Aussi, il mérite d'être exalté au-dessus de tout. Moi, j'ai été vainqueur, dit Jésus, et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Enfin, le Christ méritait d'être au ciel à cause de son humilité. En effet, aucune humilité n'est aussi grande que celle du Christ, car bien qu'il était Dieu, il voulut devenir homme. Bien qu'il était Seigneur, il voulut prendre la condition d'esclave, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et il descendit jusqu'en enfer. Aussi mérita-t-il d'être exalté jusqu'au ciel, au trône de Dieu. L'humilité, en effet, est la voie qui conduit à l'exaltation. Celui qui s'abaisse sera élevé, dit le Seigneur. Et saint Paul écrit aux Éphésiens, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté par-delà tous les cieux. » Troisièmement, outre sa sublimité et son caractère raisonnable, l'ascension du Christ nous est utile sous trois rapports. En premier lieu, Jésus est monté aux cieux pour nous y conduire, car nous n'en connaissions pas le chemin, mais lui-même nous l'a montré. Il est monté, dit Michée, ouvrant ainsi la voie devant eux. Ensuite, Jésus s'est élevé au ciel pour nous donner l'assurance de posséder le royaume céleste. « Je vais, dit-il aux apôtres, vous préparer une place. » L'utilité de l'ascension apparaît en second lieu dans la sécurité qu'elle nous apporte. Jésus, en effet, est monté au ciel pour intercéder en notre faveur auprès de son Père. Il s'est approché de Dieu par lui-même, dit l'apôtre aux Hébreux, et il est toujours vivant pour intercéder en faveur des hommes. Et saint Jean écrit dans sa première épître, « Nous avons près du Père un avocat, Jésus-Christ. » En troisième lieu, l'ascension du Christ est d'une grande utilité. Pour attirer nos cœurs à lui, où est ton trésor, dit le Seigneur, là aussi est ton cœur, et pour nous faire mépriser les biens temporels. L'apôtre en effet écrit aux Corinthiens, « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. » L'apôtre écrit en effet aux Colossiens, « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, siégeant à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre.